Et bonjour, bienvenue sur été.mp3. Oula, j'ai la voix qui part un peu. Vous êtes sur Radio No Culture, c'est la 20e chanson que je vais vous faire écouter cet été. Et on va parler de Manu Chao. On va écouter Manu Chao en live à Bayonne en 2008 avec une chanson qui s'appelle Me Quedo Contigo. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo, si me das a elegir, me quedo contigo. Los galerías. Su suerte merece un chance. Si me das a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. Quiero y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido, si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Escalería. Escalitas, compañero. Suena toda, toda. Manu Chao avec Me Quedo Contigo, entre parenthèses, si me das à elegir. Donc en live à Bayona, live Bayona Arena, ça c'est le nom du live, un petit jeu de mots en basque, parce que c'était les arènes de Bayonne, et Bayona Arena en basque veut dire celui de Bayonne. Donc voilà une chanson qui n'est pas de lui à la base, qui est une reprise d'un groupe qui s'appelle Los Chunguitos. Je crois que c'est dans les années 70 qu'ils ont sorti cette chanson-là. Là, cette version que vous avez entendue, c'est en live donc à Bayonne en 2008. Et voilà, du grand Manu Chao en live, c'est un sacré monstre. Alors je sais pas s'il reprend en ce moment ses concerts. J'ai l'impression d'avoir vu passer qu'il avait fait un concert il y a pas si longtemps. Alors je sais pas s'il reprend, parce que ces dernières années il était quand même assez discret sur les sorties. Il me semble que la dernière sortie c'était 2013. Voilà, il a fait 4 albums et 2 albums live, il me semble. Voilà, et puis après il y a des chansons qui popaient de temps en temps sur YouTube. Mais voilà, une chanson qui je trouve représente bien la folie de ces concerts. 2 heures voire 3 heures de live. Là il dit au revoir à tout le monde, etc. En vrai il est seulement aux 2/3 du concert, hein. Mais voilà, des concerts extrêmement intenses, très longs, et puis voilà, vous l'avez bien vu, avec des moments, voilà, des petites accalmies, et puis ça repart et puis ça redescend. En vrai, à écouter en CD, bon, c'est un peu toujours ça, et je sais que j'avais des amis qui étaient un peu pleins de ça quand ils écoutaient l'album, que c'était un peu toujours la même chose, et c'est pas faux, hein. Bon, personnellement, j'avoue que j'aime bien, et en concert surtout, ça marche vraiment extrêmement bien. Voilà, les petits temps de pause avant de repartir, de répéter un plan. Voilà, c'est un petit peu la marque de fabrique de Manu Chao en live, et voilà, si jamais vous avez l'occasion, vraiment, n'hésitez pas à aller le voir, parce que je pense pas qu'il va faire encore beaucoup de concerts, hein. Il a l'air de s'être calmé, et je pense que ça va être assez exceptionnel, enfin, qu'il va faire des concert assez exceptionnellement. Et voilà, je rappelle aussi qu'on a fait un chronobio sur la Mano Negra, donc qui était le groupe qui a fait connaître Manu Chao et ses compères. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter ça aussi sur radioculture.wordpress.com. C'était le dernier chronobio de l'année d'ailleurs. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine, pour à demain certainement. Je ne sais pas encore quel jour on est, là, parce que j'enregistre un peu à l'avance, je l'avoue. Je ne sais pas quel jour on est, donc à demain, ou alors je vous dis bon week-end. En tout cas, on va écouter une chanson très bientôt. Salut. Et bonjour à tout le monde, bienvenue, on est sur Radio Culture, évidemment. Vous écoutez été.mp3, l'émission qui vous fait écouter une chanson tous les jours pendant tout l'été, du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, on part sur du CMH avec une chanson dansante qui s'appelle Kea, sortie en 2019 sur leur album Atela. C'est parti. Kea de Samaï s'est sorti en 2019 sur leur 10e album Atela. Voilà une chanson que j'apprécie tout particulièrement parce que vous avez entendu quoi, elle défonce. Voilà l'argumentaire. Non, beaucoup de choses à dire. Déjà, le petite partie électro qui n'était pas, ça peut-être déjà arrivé avant, mais qui n'était pas aussi présente. Voilà le petit synthé. Donc c'est la chanteuse en live en tout cas qui va jouer ce petit synthé. Toute la batterie aussi très disco funk, le Pumpkins, qui est apparu assez tard. C'est un match à partir du 3-4e album. Bon, assez tard, c'est un point de vue. Du grand c'est un match dans le sens où vraiment c'est extrêmement dansant. À chaque fois que je l'écoute, moi j'ai envie de me lever, d'aller danser. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé au Festival de Chocolaterie Sucellan en 2001. Quand ils ont repris, voilà, il y avait une espèce de souffle au moment de cette chanson, pendant tout le concert Samaïch, on va pas se mentir, mais cette chanson en particulier, il y avait une espèce de vrai souffle, de bonheur de reprendre les festivals après un an de confinement. Et voilà, donc 10e album de Samaïch, ils ont sorti un EP entre-temps, avec 3-4 chansons, je sais plus, qu'ils avaient sorti en single et qu'ils ont réuni sur un seul album. Et voilà, c'est un match du coup vraiment à voir en live, un groupe assez exceptionnel autant techniquement que dans l'énergie. La chanteuse est vraiment, c'est marrant, elle bouge pas beaucoup et pourtant il y a quand même une grosse énergie qui se dégage de tout le groupe. À noter que c'est un groupe qui enregistre sur en concert ensemble, les quatre ensemble, et qui rajoute ensuite après une douzaine de guitares, des petits trucs en plus. Mais ça, c'est assez rarement parce qu'il faut quand même une grosse maîtrise des chansons, une grosse maîtrise technique aussi pour y arriver. Parce que s'il y en a un qui se plante, on recommence tout depuis le début pour les quatre. Mais ça donne vraiment après un côté live très très sincère, très très rempli, très très réel. Donc voilà, tous les groupes ne peuvent pas se le permettre parce que c'est quand même quelque chose d'assez difficile à faire, de faire du live pour l'enregistrement, parce qu'on a quand même une certaine envie d'avoir quelque chose de très très propre à l'arrivée. Samaïch, c'est un des groupes qui arrive et qui le fait. Voilà, c'était Samaïch avec Kea sur l'album Atela, sorti en 2019. Et bonjour à tout le monde, bienvenue dans été.mp3, votre émission quotidienne. Tous les jours du lundi au vendredi, on écoute une chanson. Aujourd'hui, on va aller en Bretagne. On va écouter une chanson de Dennis Prigent, Gortoz à Ran, sur l'album Irvi. Or, je prononce très certainement tout ça très mal. C'est en 2002 et comme d'habitude, on l'écoute et on en parle après. Thank you. Dennis Prigent avec Gortoz Aran, une chanson bretonne qui est donc sortie en 2000 sur l'album Irvi, donc de Dennis Prigent, et qui a été popularisée par La Chute du Faucon Noir, un film de Ridley Scott. Alors comment est-ce que c'est arrivé? Ben ça c'est simple, sur cette chanson vous entendiez aussi une voix féminine, c'était Lisa Gerrard, qui me semble être une chanteuse australienne qui a beaucoup travaillé avec Hans Zimmer, notamment sur Mission Impossible 2 et sur quelques autres films, et donc là qui chante avec Dennis Prigent et qui a proposé cette chanson d'abord à Hans Zimmer et ensuite Hans Zimmer à Ridley Scott pour La Chute du Faucon Noir. Il me semble que c'est au début du film et ensuite à la fin pendant le générique de fin. Voilà une chanson qui pour le film parle d'une tristesse avec tout de même une petite lueur d'espoir, une petite mélancolie qui reste là, alors que la chanson en elle-même parle d'un deuil, il me semble, si je dis pas trop de bêtises. Mais voilà, une chanson du coup à double lecture selon le contexte, ça a été réutilisé ensuite dans plusieurs séries et films, dont dans South Park. Voilà, je l'ai pas vu venir, c'est là quand j'ai regardé l'épisode. Une chanson qui n'a pas besoin de beaucoup de fioritures. Alors il y a un clavier derrière, à plusieurs mains, une main grave, une main un peu plus dans les aigus. Donc les deux voix de Dennis Prigent et Lisa Gerrard. Et puis à la fin, alors je sais pas trop ce que c'est, un instrument breton, une espèce de de cornemuche je crois, mais j'en suis pas du tout sûr. Et voilà quelque chose de finalement qui a vraiment pas besoin de grand chose, avec un rythme très lent, les nappes de synthé qui vraiment envoûtent un peu toute la chanson sans avoir besoin du coup de percussion. Voilà, l'absence de percussion aussi marque aussi beaucoup cet aspect très onirique sans temps donné et du coup qui noie un peu aussi la temporalité de la chanson. Dennis Prigent et Lisa Gerrard sur Gortoz Aran, que vous pouvez retrouver très facilement sur YouTube. Il y a un paquet de vidéos avec cette chanson. Si vous voulez écouter l'album, c'est Irvi, I-R-V-I, c'est sorti en 2000. Et voilà, c'était Gortoz Aran aujourd'hui dans été.mp3. Bonjour tout le monde, bienvenue. On est toujours dans été.mp3, l'émission qui vous fait découvrir, j'espère, une chanson tous les jours du lundi au vendredi pendant tout l'été. On va aller du côté du Mexique cette fois-ci avec un groupe qui s'appelle Molotov et une chanson qui s'appelle Apocalypse Shit sur l'album du même nom. C'est sorti en 1999. Et voilà, on écoute ça. We'll be right back. Molotov avec Apocalypse, c'est la chanson du jour. C'est sorti en 1999 sur l'album du même nom, Apocalypse. C'est le deuxième album du groupe, vous l'avez entendu, qui mélange beaucoup, beaucoup de choses différentes. Ça va du grunge au rap, truc très politique aussi. Ils étaient souvent comparés aux Beastie Boys d'ailleurs à leur début. Et donc cet album-là, le deuxième, a été d'ailleurs produit par un des membres des Beastie Boys. Voilà, un gros mélange avec quand même une voix aussi punk, presque metal de temps en temps. Et cette chanson qui a été un énorme succès, tout comme l'album, qui a été un énorme succès. Apparu dans Breaking Bad aussi, il me semble, c'est le tout premier épisode de Breaking Bad, peut-être que certains auront reconnu. C'était Molotov, un groupe mexicain qui ont vécu pas mal de trucs, obligés de s'exiler aussi en Espagne un temps. Parce qu'ils étaient très très critiques du Mexique, de l'État entier du Mexique, que là-bas ça déconne pas, et qui a après continué à jouer. Je crois qu'ils ont sorti 5 albums, il me semble, jusqu'ici. Le dernier, c'était il y a 10 ans, je crois, peut-être même 11 ans maintenant. Alors il me semble pas qu'ils aient annoncé officiellement un arrêt du groupe, une pause, quoi que ce soit. Peut-être qu'ils sont juste en train de faire autre chose à côté et que voilà. Ils ont aussi un album de reprise qui est marrant, du Queen avec comment s'appelle cette chanson, mais Tourno en Tomate, je ne sais plus, une reprise d'une chanson punk des années 80 à la sauce un petit peu tango, salsa, quelque chose comme ça, mais qui revend, et puis traduit en espagnol, et qui referont après en live, par contre en mode punk comme l'original. Me convierto en marciano, c'est bon, ça m'est revenu en tête. C'est I turned into a Martian, je crois, l'original de je ne sais plus quel groupe. Molotov avec Apocalypse. Je vous conseille aussi de vous pencher sur la discographie du groupe, parce qu'ils ont, comme vous l'avez entendu, beaucoup beaucoup de choses très différentes, et chaque chanson a un peu son propre univers. Voilà, ça peut aller du grunge au tango, comme je disais, ça peut être parfois rock, metal, punk, enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses très différentes, et en live, voilà, si vous pouvez aussi regarder quelques concerts live, quelques chansons live, voilà, il y a une sacrée énergie, le public pète un plomb facilement. Voilà, 99, Apocalypse Sheet, sur l'album du même nom de Molotov, et nous, on se réécoute bientôt pour une nouvelle chanson. Salut tout le monde, bienvenue, vous êtes sur Radio No Culture dans été.mp3. Aujourd'hui, 24e chanson de l'été, on va écouter Andrew WK, enfin, avec la chanson Babylon, sortie en 2021 sur l'album qui s'appelle God is Partying. C'est parti, c'est Andrew WK avec Babylon. Babylon de Andrew W.K., une chanson que je trouve absolument fantastique. Voilà, Andrew W.K., il faut absolument, si vous avez aimé ce que vous avez entendu là, il faut absolument que vous penchiez sur ce personnage. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment réel, ce mec. Donc Andrew comme le prénom, WK, donc qui est un multi-instrumentiste assez prodigieux et surtout complètement fou. Voilà, je sais pas à quel point c'est un personnage, à quel point il est vraiment comme ça. En tout cas, je vous conseille d'aller regarder ce qu'il fait. Donc Babylon, qui est la première sortie de God Is Partying, le premier single qui était sorti. God Is Partying, sorti en 2021, c'est son sixième album, quelque chose comme ça. C'est le premier qui a vraiment cet aspect métal. Il a commencé dans un truc très très pop punk à la Green Day, tout ça, mais un peu plus fou, quoi. Voilà, donc c'est difficile de vous le décrire sans avoir les images. Je vous conseille encore une fois d'aller regarder ses clips et des interviews comme ça. Voilà, c'est un grand mec ultra baraqué, habillé tout en blanc, avec un jean blanc et un t-shirt blanc. J'ai l'impression que les freins commencent à ternir au fur et à mesure des albums, avec des cheveux longs, et il fait tout le temps des gueules absolument, je sais pas, très très chelou tout le temps. Il a l'air complètement fou, mais en même temps, sa musique me fait dire que c'est quand même un putain de génie. Voilà, il y a même des théories que je ne crois pas trop, comme quoi c'était Dave Grohl, donc leader de Fighter, qui aurait créé Andrew W.K. Dans un espèce de trip de créer la rockstar parfaite. Voilà, pour vous situer un petit peu le délire autour de ce mec-là. Il fait des clips aussi vraiment de plus en plus fous. Au début, bon, c'était ouais, pop-punk, voilà, on est au milieu, on fait la fête, l'alcool, tout ça. Et puis plus ça va, plus c'est étrange. Là, sur cette chanson Babylon, il y a voilà. Donc on le voit, lui entouré toujours de lumière verte et rouge. Il y a des noms, des dates qui s'affichent. On ne sait pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ce clip, mais c'est il y a un côté extrêmement, extrêmement fascinant. Et puis voilà, puis j'adore la musique qui passe du coup du début pop punk, ou que je suis pas hyper fan, à quelque chose qui va de plus en plus excessif, plus en plus grandiose. Et ceux qui me suivent savent que j'aime ça. Quelque chose de beaucoup plus grandiose, de vraiment vraiment excessif. En même temps, quand vous le verrez, vous comprendrez ce que je veux dire par excessif. Du coup, beaucoup d'instruments. Lui, il est pianiste à la base, donc il y a beaucoup de synthé, tout ça, mais après sur Babylon par exemple, c'est lui qui fait absolument tout: batterie, guitare, basse, voix, clavier. Et il va s'entourer ensuite de gens pour jouer avec lui sur scène. Mais voilà, mais sur scène, je rêve de le voir absolument sur scène. Il a l'air complètement fou. Je me souviens encore de cette vidéo où il fait un décompte à partir de 100. Et il compte 100, 99, 98. Et il le fait vraiment jusqu'à 0. Et à 0, la chanson commence. Voilà, personne n'oserait faire un truc aussi débile. Lui, il n'a rien à foutre. Voilà. Et puis, ouais, il y a vraiment une esthétique très, très particulière. Pour ceux qui aiment Muse aussi, voilà, je regardais les commentaires un peu pendant qu'on écoutait la chanson, un commentaire qui m'a fait rire, qui disait que c'était la meilleure chanson qu'Andrew avait sorti de la meilleure chanson de Muse depuis 10 ans. Voilà, et puis l'album est vraiment à ce niveau-là, peut-être pas aussi métal tout le temps. Il y a des parties un peu plus rock, parfois un peu pop, parfois même complètement aérien, clavier, tout ça, mais c'est musicalement c'est très intéressant. Il y a des ruptures de ton énormes dans les chansons, des harmonies qui sont vraiment très très bien trouvé. Enfin, bref, il est vraiment très très fort au-delà de ce qu'on pourrait croire en voyant ce gros taré. Ben, en fait, il est très très fort. Andrew W.K. avec Babylon.